Me voici installée. Donc, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, donc, séminaire sur la marche, et plus particulièrement sur la marche du point de vue du corps. Donc, c'est à ça que je vais essayer de m'atteler, comme l'indique le titre de mon exposé, Corps à corps urbain. C'est aussi le titre de ma thèse, donc réalisée en sciences de l'information et de la communication, et à la frontière avec l'anthropologie urbaine. Et dans cette thèse, je ne me suis pas intéressée à la marche en tant que telle, mais en réalité, la marche est présente dans tout ce que j'ai cherché à faire, puisque j'ai consacré mes recherches à une anthropologie poétique de l'anonymat parisien. Et c'est bien à l'anonymat des piétons de Paris que je me suis intéressée, donc à l'anonymat tel qu'il est produit au quotidien par un ensemble d'ajustements identitaires. Ça peut paraître paradoxal, je vais vous parler d'anonymat du piéton et je vais vous parler d'identité des piétons aujourd'hui. Et donc, c'est bien à partir de cette entrée-là que je vais essayer de saisir à ma manière la thématique de la marche. Donc, je propose une contribution à l'analyse de la marche en ville à partir de ce que les corps des citadins nouent entre eux dans des dispositifs, des situations, des activités urbaines qui organisent leur coprésence. Donc, cette dimension très forte de coprésence des corps dans la ville est une entrée majeure dans mon travail. Et ce qui me paraît très important, donc j'avais plusieurs pistes possibles aujourd'hui pour entrer dans cette thématique de la marche, et j'ai choisi peut-être celle qui est la plus éloignée de ce qui se développe dans le cadre de ce séminaire, puisque je vais en quelque sorte un petit peu abandonner le cadre urbain, qui pourtant me préoccupe et est au cœur de ma démarche, pour me concentrer véritablement sur les corps et sur la manière dont on peut aborder les corps des citadins quand on prend au sérieux le fait que ce sont avant tout des sujets sociaux, des sujets sensibles, mais aussi des sujets interprétants qui font face en ville à un très grand nombre de signes, donc les signes que leur renvoie la ville d'abord, mais aussi les signes que leur renvoient les corps des autres. Donc je propose aujourd'hui d'analyser la marche par le frottement des apparences, donc des apparences portées par les corps, frottement des apparences dans le contexte de l'anonymat parisien, donc qui est très différent du contexte, par exemple, de la marche ici à Grenoble. Donc gardez à l'esprit que je me situe dans cette perspective d'anonymat de grande métropole. Et le corps va y être abordé aujourd'hui sous l'angle de ses rhétoriques, de ce que le corps produit, de ces fameux langages du corps, et des interprétations qu'elle suscite. Donc je vais essayer d'articuler la dimension sensible du corps en marche à des formes d'intelligibilité du social que la marche met à l'épreuve et qu'elle contribue à produire. Alors je vais dans un premier temps revenir sur ma problématique générale pour vous expliquer un peu comment s'organise cette approche du corps à corps urbain et pourquoi parler d'une anthropologie poétique du corps. Avant d'aller plus directement dans le vif du sujet que je propose aujourd'hui, à savoir les conditions de lisibilité des corps dans la ville et par la marche. Alors quelques mots sur le cadre général de mon travail, qui vise effectivement la mise en œuvre d'une anthropologie poétique. Je suis partie d'une réflexion sur l'anonymat urbain qui me paraissait être une telle évidence associée à la grande ville contemporaine, qui n'est en réalité jamais véritablement interrogée. Longtemps considéré comme un véritable fléau lié au développement industriel, hein, l'idée d'anonymat apparaît surtout pour la ville au cours du XIXe siècle. Il a donné lieu à de multiples formes de représentation, essentiellement artistiques, qui l'orchestrent sous des formes très spectaculaires, la plus spectaculaire étant peut-être la forme de la foule. Je me suis intéressée à la foule parisienne, évidemment. Mais en réalité, ce que vit la foule, ce que vivent les individus dans la foule et comment se produit l'anonymat au quotidien, ça n'a pas véritablement intéressé les chercheurs. Pourtant, il n'est pas si évident de passer inaperçu, est-ce que l'anonymat c'est passer inaperçu, de passer inaperçu au quotidien quand on est par exemple trop noir, trop blonde, trop vieux, ou tout simplement pas dans le bon endroit de la ville. Effectivement, l'anonymat n'est pas une grande indifférence généralisée, mais correspond plutôt à un ensemble d'ajustements identitaires infimes qui se fait dans les rapports de corps à corps avec les citadins et qui permet de se produire comme un sujet anonyme. C'est vrai que certains travaux avaient été lancés, notamment sous la direction de Colette Pétonnet, qui invitait à travailler sur l'anonymat comme pellicule protectrice, c'était dans les années 80. Et elle invitait les chercheurs à décrire cette forme particulière de réserve à l'égard des autres, qui rend possible la vie individuelle au milieu de la multitude. Et la marche est en effet un moyen d'éprouver cette réserve. Moi, j'ai essayé dans ma thèse d'analyser les moments de l'urbain où la sociabilité repose précisément sur l'évitement des corps dans la foule, sur l'échange ou l'absence de regard, sur l'orientation des visages, sur le fait de mettre ses pas dans les pieds d'un autre, dans des dispositifs architecturaux singuliers. Je me suis intéressée d'ailleurs à des architectures et à des espaces qui sont des espaces de foule à certains moments, comme le Forum des Halles, le quartier des Halles à Paris, donc dans le centre de Paris, la Piazza Beaubourg devant le centre Georges Pompidou et le parc de la Villette qui est un lieu de foule le week-end et pendant les vacances. Ce qui m'intéressait en fait, c'était d'essayer de comprendre le statut du corps dans nos cheminements urbains et la manière de saisir la communication non-verbale, enfin ce qu'il est convenu d'appeler la communication non-verbale, en gardant à l'idée qu'on n'est pas du tout pris dans les mêmes logiques du voir être vu. Et c'est une première définition que je peux donner de ce que je vais essayer de saisir, le voir être vu en ville, selon son sexe, son âge, la couleur de peau ou encore les lieux de la ville. Quel rôle jouent donc les apparences et les stéréotypes liés au corps et à ses nombreuses médiations, dans la structuration des interactions en ville? L'analyse de ce fonctionnement concret de l'anonymat relève bien d'une véritable poétique, non pas au sens des poètes ou des rhéteurs, il ne s'agit pas forcément de repérer des figures de style, par exemple, ni tout à fait au sens de Pierre Sansot, qui, dans sa poétique de la ville, accorde une importance très grande aux rêves des citadins ou à l'expressivité des lieux, mais bien au sens étymologique de fabrication, entrecroisement perspective, de pratique, de signe, qui fabrique l'anonymat quotidien. Alors, si vous voyez défiler des photos, c'est un peu malgré moi, mais c'est pour vous montrer l'entrée par le corps dans la ville. Cette première image indique qu'on a affaire à plusieurs sortes de corps. Il ne s'agit pas en ville seulement du corps du piéton, mais ce corps est mis en confrontation avec une multitude de figurations du corps, de corps représentés, les corps des affiches publicitaires par exemple, les corps des mannequins dans les vitrines, et puis les corps absents mais suggérés par le mobilier urbain par exemple. Et pour moi, c'était très intéressant de prendre au sérieux le fait que quand on travaille sur le corps, on ne peut pas exclure les figurations du corps, les représentations du corps, parce qu'elles se rappellent à nous constamment. Et l'expérience urbaine, c'est une expérience de ces rappels et de ces confrontations. Considérer l'anonymat non pas comme une absence d'identité, tel est le projet de mon travail, mais bien comme un ensemble d'ajustements identitaires, provisoires, partiels, cela conduit à aborder le corps de manière spécifique. Et en particulier, ça conduit à rompre avec une grande tradition en ce qui concerne le corps signifiant, qui consiste à instaurer une grammaire avec des codes. Donc, par exemple, tel élément sur le corps signifie telle chose, tel geste signifie tel comportement. Il s'agit plus précisément, si on saisit le corps en ville, d'interroger ces grammaires, d'interroger ces modes de lecture des corps, et d'interroger aussi cette obsession qu'ont eu un grand nombre de sémioticiens travaillant sur le corps, de vouloir instaurer des grilles de lecture avec un métalangage qui serait pur et qui permettrait à la fois de décrire et de décoder le corps sans avoir à l'interpréter. L'intéressant, pour moi, consiste à comprendre les conditions dans lesquelles s'instaure la lisibilité des corps dans la ville. L'intelligibilité des corps, les codes qui la construisent, sont abordés à partir de pratiques interprétatives quotidiennes, celles des passants, justement, saisie par un travail d'observation ethnographique et mise en lien avec des expériences visuelles plus généralement proposées par la ville. Le contexte urbain pose de manière très spécifique et de manière très politique aussi la question des effets de mise en présence des corps et des identités sociales qui leur sont systématiquement attribuées. Donc, dans ma recherche, même si j'en parlerai peu aujourd'hui, le cadre urbain et l'espace urbain et aussi bien l'environnement urbain ne joue jamais simplement le rôle d'un décor, mais bien un rôle actif, à la fois comme cadre d'activité située, mais aussi comme horizon problématique, dans lesquels les régimes d'exposition de soi et la confrontation de nos propres formes d'exposition aux autres posent question. Et il y a toute une tradition de penseurs sur la ville, de penseurs de la ville et de la condition humaine, qui indique à quel point l'anonymat présupposé comme une indifférence polie et mutuelle, cette réserve, cette inattention civile dont parlait Goffman, par exemple, est indispensable à une théorisation de l'espace commun dans les sociétés démocratiques. On a tout un courant reconstituable allant de Georg Simmel jusqu'à des travaux plus récents, enfin, de Isaac Joseph ou de Richard Sennett, en passant évidemment par Hannah Arendt, qui est une grande référence dans ce domaine, qui ont érigé en principe, pour penser l'urbanité tout entière, les espaces publics urbains, les espaces qui sont théoriquement conçus comme des utopies, en fait, dans lesquels l'étranger serait accueilli sans stigmatisation. Ces utopies pratiques, je dis pratiques parce que j'ai essayé de choisir des terrains qui correspondent un peu à ces utopies. J'ai choisi des espaces ouverts à tous, le parc de la Villette, le Forum des Halles, la Piazza Beaubourg, donc des espaces très différents, mais des espaces fréquentés par tout milieu, toute origine, tout univers culturel, tout âge également, des citadins parisiens, mais également des touristes, des voyageurs. Ces utopies pratiques, en fait, invitent à s'intéresser précisément à la place accordée à la singularité des corps, et on se rend compte qu'elles, en théorie, que ces étrangers si fondamentaux à la pensée de l'espace public urbain sont en réalité souvent des étrangers sans qualité, c'est-à-dire des étrangers tout à fait neutralisés. Donc mon travail sur le corps aujourd'hui va s'articuler en deux temps. Il y aura d'abord une première approche de cette fameuse homogénéisation des apparences liées à l'anonymat urbain. Il s'agit d'interroger cette indifférence, comment se produit l'indifférence. Et un second temps qui va plutôt concerner l'effet des codes vestimentaires sur la perception des apparences. Je fais défiler quelques photographies, ce qui me permet de vous donner quelques éléments de ma méthode, et ça pourrait être une entrée aussi dans la discussion sur comment saisir la marche en ville, puisque dans mon travail, j'ai articulé à la fois des observations ethnographiques donc sur des terrains parisiens dont je vous ai parlé, choisis parce qu'ils sont très fréquentés, très ouverts, aussi parce que on peut y analyser des utopies de l'espace public. Ce sont également des lieux dédiés aux piétons, ce sont tous des espaces piétonniers. Mais j'ai cherché en permanence à articuler mes observations concrètes, in situ, avec des médiations du corps, comme je vous l'indiquais, à la fois telles que les corps sont racontés par les gens, donc par le biais d'entretien par exemple, mais telles que les corps sont représentés dans la publicité, dans l'histoire de l'art, dans l'architecture. Il s'agit pour moi ici de clarifier ce qui relève de l'intelligibilité des corps dans leur perception. Le cadre général de ma démarche est un cadre phénoménologique, et j'assume bien volontiers une réduction à une phénoménologie de la perception visuelle, bien que je sache qu'ici on travaille aux pressions plutôt sur le son et plutôt de manière globale sur les sens. Vous allez voir qu'effectivement, avec les exemples que je donne, la perception visuelle est une perception mise en avant de manière toute particulière. Je vais essayer donc dans ce cadre d'une phénoménologie ouverte, de réduire un petit peu, de passer par une première étape qui serait l'étape de l'intelligibilité des corps. En fait, c'est moins l'énonciation piétonnière qui m'intéresse en tant qu'elle actualise un espace que l'énonciation qu'on peut repérer dans les apparences et le travail des apparences, pour reprendre cette expression d'Erin Goffman, dans un contexte d'anonymat urbain qui correspond finalement à une mise en intrigue généralisée des apparences. Alors, j'en viens à ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, l'anonymat urbain ou la lisibilité des apparences. Si on observe la ville, on se rend compte que les citadins se croisent, s'observent eux-mêmes, se détaillent, se détournent, se suivent, selon des règles qui impliquent implicitement, en fait, des pratiques de déchiffrement des corps. Et Goffman soulignait l'importance de la reconnaissance cognitive à l'œuvre au cours des situations de rencontre et de mise en présence des individus. Les perceptions sont véritablement travaillées, traversées, mises en forme, conformées par des codes culturels qui permettent de situer les individus. La perception des apparences anonymes semble pouvoir être décrite sous la forme d'une tension à l'œuvre constamment, en tout cas sur les terrains parisiens, entre une homogénéisation des corps, cette fameuse masse, enfin, cette masse de la foule urbaine, et au contraire l'exaltation de leur singularité individuelle et des formes de reconnaissance auxquelles elles donnent lieu. Il s'agit pour moi de décrire les modes de différenciation et d'indifférenciation dans la production de l'anonymat, et en particulier un ressort très fort d'un fonctionnement métonymique des apparences. C'est-à-dire que l'association d'une singularité individuelle, du corps d'un individu, à des ensembles plus généraux, un jeune particulier est en réalité un jeune tout court, voire la jeunesse, mais également dans le processus métonymique, on a ce qui relève de l'indiciarisation du corps, c'est-à-dire que le corps est constitué d'indices qui permettent d'interpréter tout un tas de choses sur son identité. Le questionnement qui est le mien pour entrer dans cette question des apparences mises en mouvement par la marche, c'est un questionnement sur l'univocité des signes. Est-ce que les signes peuvent être décodés simplement, ou est-ce que les signes, au contraire, peuvent se télescoper et susciter des interprétations plurielles? Comment ça fonctionne, le travail des signes au quotidien dans la marche en ville? Alors, je propose un parcours assez classique, hein, qui va allant d'un cas apparemment très simple, d'univocité du signe, en prenant le cas de l'uniforme, je prends le cas de l'uniforme de la police par exemple, pour aller vers des cas beaucoup plus complexes, en passant par un cas intermédiaire, prétendument uniformisant, c'est le cas du blue jean, mais qui en réalité produit de la différence, ce que je vais essayer de vous montrer. À chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les ressorts de l'activité interprétative des sujets quant aux individus qu'ils croisent au cours de leur déambulation urbaine. Et c'est très intéressant d'essayer de déplacer la focale pour comprendre le statut des interprétations au quotidien, parce qu'en général, celui qui interprète, c'est le chercheur, qui interprète et donne des statuts, catégorise les corps, crée des catégories et des cartographies. Ici, l'enjeu, ça va être de donner la place aux piétons, justement, et d'essayer de comprendre comment s'articulent les entre-désignations, les savoirs sur les uns et les autres. Alors, si on prend un exemple simple d'anonymisation du singulier de manière, je dirais, radicale, l'exemple de l'uniforme, pour placer d'abord le décor. La présence des uniformes en ville nous place devant un premier niveau d'interprétation des apparences. Elle produit des situations particulières, évidemment, mais quotidiennes. C'est vrai que la visibilité des uniformes est très très importante, et elle est de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un cas particulier parce que dans le cas de l'uniforme, on a comme un repli de la simple présence de l'uniforme sur son interprétation. On a un repli de la visibilité sur la lisibilité, puisque les uniformes de police, par exemple, signifient par leur simple présence une injonction au respect de l'ordre. On ne veut pas dire que cette injonction est suivie, mais on a cet effet de signification simple. On a en quelque sorte une lecture imposée, et la marge de manœuvre interprétative laisse très peu de place au doute. En revanche, si on constate que les gens en uniforme ne sont pas des piétons comme les autres, c'est la moindre des choses, et ne sont presque pas des individus d'ailleurs, et ça c'est un des effets très très forts que peut avoir un système de codification de l'apparence. C'est vrai que les policiers sont par exemple toujours d'abord des policiers avant d'être des hommes et des femmes, avant d'être jeunes ou vieux, avant d'être blancs ou noirs, et même on est toujours un peu surpris, je fais appel à votre expérience, de voir un policier acheter un sandwich dans une sandwicherie comme tout le monde. On oublie constamment que derrière l'uniforme, derrière cet effet petit soldat de plomb dont ils se plaignent eux-mêmes, il y a aussi des hommes, des sujets, pensants, etc., etc. Et c'est vrai que ça a un effet sur la perception des corps en marche. Je prends cet exemple volontairement simple, je pourrais le détailler dans son articulation, mais pour vous montrer que le port de l'uniforme correspond à un processus métonymique particulier. C'est une des métonymies, finalement vous voyez je fais des figures de style quand même, une des métonymies qui est la synecdoque, que peut-être vous ne connaissez pas tous, mais donc j'explique. Plusieurs rapports d'inclusion sont possibles et se combinent dans le cas de l'uniforme des policiers généralistes, si je prends cet exemple. Tout d'abord, une relation partitive. Chaque individu revêtant sa tenue signifie par son apparition même, donc sa simple présence, son appartenance à la police nationale. Son corps individuel s'efface au profit de l'affirmation de l'institution, l'affirmation de son inclusion dans un corps collectif qui le comprend et qui a vocation à représenter par duplication. La relation donc partitive s'accompagne d'une relation numérique qui permet l'échange classique, et c'est peut-être le meilleur moyen de repérer et de reconnaître les synecdoques, c'est que les policiers deviennent le policier et incarnent la police. Donc ils sont à la fois l'uniforme de la police produit pour ceux qui le portent. Il est produit comme anonyme, mais dans un sens très radical, puisque leurs singularités individuelles sont tout à fait niées, et ils deviennent les éléments interchangeables d'une série que la présence d'un seul élément à la fois affirme dans son entier. Donc c'est un cas de mise en équivalence extrême, en fait, de mise en équivalence visuelle des corps. Alors évidemment, il y a beaucoup de situations, quand on observe les interactions avec la police, hein, dans lesquelles les corps singuliers réapparaissent, dans lesquelles l'individualité réapparaît, mais on a cet effet de visibilité très très très fort. Prenons un autre exemple. Alors là, je vais peut-être vous amuser un peu. Je passe mes photographies sur lesquelles j'ai dévoté peu de choses, mais c'est plutôt pour vous placer un cadre, le cadre d'une saisie du corps qui ne nie pas la matérialité urbaine et notamment des signes. Oups, voilà, j'ai tout défloré. La production d'uniformes par le blue jean. Autre exemple d'uniforme, mais cette fois-ci au sens figuré, pour essayer d'analyser avec vous les effets de style vestimentaire sur la perception des corps en ville. Le blue jean, c'est une véritable mythologie contemporaine, au sens de Roland Barthes, un mythe peut-être de la neutralisation des apparences, et un symbole que vise d'ailleurs une certaine critique, notamment associée à la mode, de cette homogénéisation des corps par le blue jean. Je vais essayer de vous montrer qu'il ne contribue pas de manière si simple que ça à l'anonymisation des corps par l'effacement des singularités. Il ne fonctionne finalement pas comme un uniforme de police et que l'uniforme, au sens figuré, mérite une attention un petit peu plus attentive, plus grande. Tout d'abord, la moindre des choses qu'on peut constater à propos du jean, on pourrait faire sans doute un sondage dans cette salle, c'est que pratiquement 2 personnes sur 3 dans une foule comme les foules parisiennes portent un jean. Tout âge... Levez la main. Non. Tout âge confondu, tout sexe confondu également. Donc une omniprésence, une très grande banalité du jean. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un éclatement aujourd'hui des formes de jean. Le jean a failli disparaître et a connu un retour en force dans la mode et dans l'industrie textile. Et aujourd'hui, les grandes marques s'en sont saisies. Donc on a une multitude d'acteurs du jean. Et Levi's n'est plus le seul à avoir l'apanage de la noblesse de la toile bleue. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jeans sont toujours pensés, conçus et portés dans une très grande conscience de ce qu'ils font au corps. Et c'est pour ça que c'est un objet intéressant, vous allez voir. Parce qu'à la fois, le jean est une promesse de neutralité à différents niveaux, et en même temps, c'est aussi une promesse de rectification du corps, d'inscription du corps dans un système rigide. Alors le jean, pourquoi le jean est une promesse de neutralité? Tout d'abord parce qu'il fonctionne sémiotiquement et pratiquement comme une sorte de catégorie générique. On a évidemment associé au jean une multitude d'imaginaires, depuis son invention. Alors on a évidemment les cow-boys, la jeunesse, mais je vais pas... Tout cet imaginaire, on le connaît, on l'a en commun. C'est en ça que le jean est une mythologie contemporaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il peut être porté et donner lieu à des expériences de reconnaissance très expertes. Qui porte tel jean diesel de telle ou telle marque, par exemple. Mais qu'en même temps, le jean le plus original n'en demeure pas moins un jean comme un autre. Qu'en fait, il sert plutôt une rhétorique du corps commun, du corps banal. Et que s'il est devenu un élément vestimentaire si répandu, qu'il devient finalement une sorte de non-signe vestimentaire, ne signifie rien, ne peut pas signifier. Et en plus, tout jean particulier peut en quelque sorte redevenir un jean quelconque. Et aucun jean, à l'inverse, ne peut suffire à déterminer le style d'une tenue singulière. Donc ça en fait quand même un élément de code vestimentaire assez intéressant. Dans le processus de neutralisation du jean, il faut reconnaître que le jean présente un enchevêtrement métonymique assez complexe et inédit, qui contribue à le poser à la fois comme une catégorie générique d'objet, c'est un type d'objet, mais aussi de matière. Donc, je ne vais peut-être pas trop développer ça, mais le jean sert à la fois à qualifier la matière qu'il désigne, donc la toile de coton, on appelle aussi un jean un dénime, donc ça c'est un processus métonymique également, mais aussi donc à la fois la toile, mais aussi l'article dans lequel il s'est fait connaître, à savoir le pantalon avec des poches, des rivets et des coutures, comme vous voyez sur la photo. Et ces simples éléments-là, les poches, les rivets, sans même qu'on voit la toile ou sans qu'on voit le pantalon en entier, ça suffit à signifier le jean. Une trousse en jean, par exemple, sera repérée comme en jean si elle y a cette association de matière et de couture visible. Donc on a ces éléments signifiants minimum qui produisent le jean. Ce qui est très intéressant, c'est que la couleur du jean, le jean peut être noir, blanc, bariolé, délavé, mais fondamentalement, un jean est toujours bleu. Et ce bleu du jean est en réalité une non-couleur. Ce que Barthes appelait une non-couleur, c'est-à-dire que ce n'est pas une couleur. On peut l'associer avec n'importe quelle couleur, d'ailleurs, c'est une façon pratique de repérer une non-couleur. Alors, il est considéré comme un uniformisateur des apparences, puisque le jean annonce un certain égalitarisme. Et vous voyez, par exemple, j'ai fait un montage de médiation du corps par à la fois des publicités et des magazines féminins, et puis des photographies prises dans la rue. Dans les publicités, le jean apparaît uniformément sur des corps masculins et des corps féminins, souvent dans des duos d'ailleurs, qui montrent l'ambivalence entre la ressemblance de la tenue et la différence des corps. Le jean ne définit pas de rôle non plus, mais sert plutôt un discours d'aplatissement des hiérarchies dans les médias. Et comme vous voyez sur ce montage, on a toute une série de People, ce sont différents magazines féminins, qu'on voit toutes en jean, et vous voyez que le jean sert la rhétorique de l'anonymat comme les lunettes noires. Si telle star porte un jean, la promesse du magazine, c'est que si vous le portez aussi, vous aplatissez l'écart entre cet univers éloigné du vôtre et le vôtre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une forme d'égalitarisme donc dans le jean, que Jacques Goulet, spécialiste du jean, ou amateur du jean en tout cas, qualifie de naïf et illusoire, comme tout autre égalitarisme, et en particulier celui du naturisme. Et c'est très intéressant qu'il évoque le naturisme, parce que vous allez voir que le jean entre de manière très privilégiée dans la conformation des corps. Le jean travaille au plus près du corps, véritable archive de vie, il porte toutes les traces, notamment aux genoux, aux fesses, de celui qui l'a porté. Et en outre, on se rend compte quand on étudie un peu la représentation du jean dans différentes sphères de la société, que le jean sert souvent d'étalon pour les variations du corps. Et il sert d'étalon pour la variation du corps, et dans ces variations s'entremêlent à la fois des temporalités individuelles et en même temps des normes sociales. Alors vous voyez là une publicité, une taille en moins, la fermeté en plus, ça c'est la promesse. Je peux remettre mon jean d'il y a 10 ans. C'est l'étalon de la variation de mon propre corps. Autre image photographiée devant une... Je pourrais en produire des centaines et des centaines, tellement que cet élément du jean comme manière de repérer son corps et ses variations est très important. Donc évidemment, on le trouve aussi dans la vitrine d'une pharmacie où on a trois jeans différents qui indiquent le degré de minceur auquel on peut arriver. Le jean est bel et bien pris comme un étalon dans une rhétorique de la comparaison. Et d'ailleurs, c'est un instrument qui discipline les corps, puisqu'il conforme un peu les silhouettes en les harnachant en quelque sorte. Même si on a un discours de liberté associé au jean, et d'ailleurs beaucoup d'images indiquent ces libertés, il faut reconnaître qu'on enferme son corps dans un jean, et que le mouvement doit souvent en découdre avec la matière, la rigidité de la toile, qui est loin d'être très plastique. Si on ne peut plus entrer dans son jean... expression très représentative hein, de ce vêtement étalon, c'est précisément parce que le jean est effectivement peu plastique. Et c'est une de ces conditions, évidemment, d'étalon. Et le jean participe d'une pratique quasiment graphique du corps. Il sert une approche en termes de design du corps. On n'est pas du tout dans la chair avec le jean, justement. Il n'y a pas de vibration de la chair, pas de... cellulite dans le jean, par exemple, aucune, on ne voit pas les marques des sous-vêtements, c'est un vêtement qui précisément fait apparaître la structure et la forme, efface le relâchement des tissus, crée de la contenance, et en quelque sorte, le jean est symptomatique d'un certain rapport au corps en ville, d'un certain rapport au toucher. C'est pour ça qu'il met en scène de manière très particulière le voir être vu. Il interdit l'accès au corps autrement que par le regard, d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est que le corps à portée de vue, vous voyez cette rhétorique, hein, je fais défiler cette rhétorique de la comparaison, le corps à portée de vue par le jean fait que le jean peut être considéré comme un dispositif de regard. Et contrairement, j'en viens quand même, je reviens à la marche, après ce détour sur le jean, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on porte un jean qui est, je l'ai dit en commençant, une des tenues les plus portées, c'est 2 pantalons sur 3 dans la rue, on pourrait croire qu'on s'habille comme tout le monde et donc on va passer inaperçu, et c'est tout à fait l'inverse qu'on observe, à la fois quand on observe comment les gens regardent les gens qui portent des jeans, et en particulier ceux qu'on regarde le plus dans la ville, c'est surtout les femmes, et en particulier les jeunes femmes, Et moi, j'ai fait l'expérience, j'ai jamais porté de jean pour tout un tas de raisons politiques que je ne développe pas ici, mais un jour, dans le cadre de ma thèse, j'ai décidé d'en faire l'expérience. Donc je vous passe les détails de l'essayage, de comment j'ai pu conformer mon propre corps dans ces jeans, mais l'épreuve de la rue était plus intéressante. Enfin habillée comme tout le monde, plus d'extravagance, pas de manteau de toutes les couleurs, mais simplement un jean et une petite veste, l'uniforme de mes contemporains, je me suis rendu compte que j'étais totalement déshabillée du regard. Et cette épreuve, je me suis fait klaxonner par les voitures, j'ai eu tout un tas de mésaventures, ça s'est reproduit jusqu'à ce que je finisse par maîtriser en fait en quelque sorte cet effet produit par le jean qui me rendait beaucoup plus visible que d'habitude. Et je me suis rendu compte que non seulement le jean produit un effet de visibilité, mais surtout un effet de lisibilité. Et c'est cette articulation là sur laquelle je reviens encore entre ce qui apparaît et ce qui va être lu, ce qui va être orienté. Un effet de lisibilité particulièrement efficace, puisque effectivement, et là je vais me ranger derrière les propos. Est-ce que j'ai raté une photo ? Non. Derrière les propos de Jacques Boulet, c'est que le jean souligne et même invente d'une certaine manière ce qu'il dénomme lui avec humour une érotique anonyme de la réculaire. Vous avez compris, c'est un néologisme. Le jean renforce, suscite une véritable sursémiotisation des fesses. Je le dis enfin. Et si j'étais déshabillée du regard brusquement, c'était pas n'importe comment. Et c'est effectivement, avec un peu de provocation, ce qui est intéressant dans le jean, c'est que ça permettait de comprendre comment se jouent au quotidien les rapports entre la codification des corps, leur conformation, l'organisation des regards, la répétition de ces regards. Et c'est vrai qu'on est assez loin, quand on prend ce simple cas du jean, d'une indifférence polie et mutuelle, caractéristique des relations anonymes, d'une réserve tacite, de l'inattention civile. Le jean force l'attention, il faut bien le reconnaître. Alors, pas pour tout le monde, pas dans n'importe quelle condition, hein, il faut toujours être très précis. Mais c'est vrai que il généralise en quelque sorte un régime de lecture urbain qui finit par faire se substituer au face-à-face, une sorte de face-à-face. Je vais peut-être m'arrêter là, mais vous dire à quel point le jean est important pour penser justement cette sémiotisation du postérieur, c'est qu'à chaque fois dans les magazines féminins qu'il s'agit du postérieur, on montre des jeans. Sport et jean, ce qui les rend belles, spécial face, et vous voyez Marilyn au milieu, qui porte un jean. Et autre élément qui me paraissait tout à fait symptomatique de ce que je viens de vous dire sur la lisibilité du postérieur féminin, et nos fesses, il les aime, nos fesses, citation du film Le Mépris de Godard, où on détaille le corps de Brigitte Bardot, le corps est détaillé, coupé en morceaux, et on voit que le jean participe en fait de cette rhétorique du corps coupé en morceaux, et que c'est effectivement pour comparer des fesses, le jean qu'on va utiliser. Alors ce qu'on peut en tirer sur le plan de la sémiotique, puisque ce travail que je propose est une espèce d'articulation entre l'anthropologie urbaine et un regard sémiotique, c'est qu'en fait, le jean permet de mettre au jour d'abord l'ambivalence des vêtements. Vous voyez que la promesse d'indifférence est en réalité, se révèle être tout à fait pervertie, mais surtout qu'il existe dans les pratiques ordinaires une véritable sémiotique de la ressemblance, et que l'anonymat urbain ne correspond certainement pas à une indifférence des regards, mais bien à des dynamiques plus ou moins instituées qui peuvent en réalité produire une véritable apologie des signes distinctifs. Donc j'ai essayé par ce travail sur le jean de déconstruire en quelque sorte une perspective liée à l'évidence de l'anonymat urbain qui serait l'homogénéisation des apparences. Je vais essayer de voir maintenant, en sens inverse, non plus ce qui produit a priori de la ressemblance, mais bien ce qui produit de la différence, ce qui tend à produire de la saillance, c'est-à-dire je vais essayer de m'intéresser plus directement aux signes distinctifs, discriminants, et donc éventuellement aux stigmates. Donc j'entre maintenant dans une ère différente qui s'appelle, pour moi, l'encadrement du singulier, non plus l'effacement ou l'écrasement du singulier, mais l'encadrement du singulier par la codification des apparences. Parce que c'est vrai que, maintenant que vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous faire sentir sur la perception des corps dans la foule mobilisée par la marche, quand on marche dans une foule, on n'a pas affaire à une masse indifférenciée, quoique à certains moments c'est possible. Mais en général quand même, on a affaire à des individus qui s'assemblent aux yeux les uns des autres par famille. Et malgré l'éclatement et le caractère tout à fait hétéroclite des apparences des piétons parisiens, donc je me situe encore une fois dans ce contexte très cosmopolite parisien, c'est vrai que ce qui se laisse expérimenter, c'est une forme de structuration distinctive qui correspond à une surreprésentation des stéréotypes. Les attributions catégorielles, le fait de faire entrer un individu singulier dans un collectif, d'en faire un individu représentant un ensemble, ou d'en faire, non pas un jeune en particulier, mais par exemple les jeunes comme catégorie générique, ou bien en particulier dans les cas qui m'intéressent, les jeunes de banlieue, donc le jeune de banlieue, donc tout ce type de procédés qui sont au cœur de la perception ordinaire et au cœur de la perception urbaine, sont finalement extrêmement complexes, et c'est sur ça que je vais essayer d'approfondir les choses maintenant. L'analyse des rapports entre anonymes fait apparaître une tension entre deux régimes signifiants. Le premier régime signifiant, je viens d'en parler un peu longuement, c'est le régime de la synecdoque, qui correspond aux attributions catégorielles qui effacent les singularités au profit du groupe. Il y a un autre régime signifiant ouvert, c'est celui de la métonymie, qui correspond, comme je le disais en introduction, correspond aux indices portés par les corps et qui constitue une sorte d'ouverture au récit. Quel récit je me fais en voyant passer cet inconnu, cette chevelure devant moi, par exemple? C'est une ouverture à l'imaginaire, une ouverture à un régime d'hypothèse généralisée. Et le contexte urbain peut être compris comme un contexte de mise en intrigue généralisée. Il fait complètement partie de la vie urbaine, ce système d'hypothèse, de doute. Mais il fait également complètement partie de la manière dont le chercheur observateur, donc en particulier moi dans cette recherche, observe la vie urbaine. Qui sont ces gens? Que font-ils? D'où viennent-ils? Où a-t-il trouvé cette paire de chaussures? Autant de questions qu'on peut se poser, toutes plus ou moins importantes les unes que les autres. Et cette tension entre deux régimes signifiants, un qui enferme l'individu dans une catégorie, qui efface ses singularités, qui empêche de le saisir comme individu, et une autre qui est plus ouverte en fait, qui est le régime de l'hypothèse, du doute, de l'interrogation, redouble d'autres tensions à l'œuvre dans l'expérience urbaine entre l'inconnu et le prévisible, l'inconnu et le connu, l'inconnu et le prévisible, ce qui se répète, l'irrégulier et le régulier, l'ordinaire et l'extraordinaire, mais également le jamais vu et l'identifiable, ou encore le singulier et le collectif. Dans les interprétations communes, quand je dis communes, elles sont communes à la fois à une grande partie des gens, donc ce sont des représentations vulgaires, entre guillemets, mais elles peuvent être communes aussi à un grand nombre de chercheurs, et en particulier de sociologues ou d'anthropologues de l'urbain, qui produisent des catégories et qui cartographient la ville, en enfermant du coup les piétons qui souvent traversent les zones urbaines dans des ensembles rigides. Dans ces représentations, il est vraiment très frappant que le doute, pourtant constitutif de l'expérience urbaine, laisse sa place à l'assertion, à la désignation, à la catégorisation. Et en quelque sorte, dans cette tension que j'essaie de mettre en évidence entre la synecdoque et la métonymie, synecdoque comme repli et une métonymie comme ouverture, on a effectivement un repli de l'ouverture métonymique sur l'écrasement catégorique. En réalité, l'identité sociale, c'est-à-dire l'identité telle qu'elle est produite par les situations urbaines, et en particulier les situations d'anonymat, qui sont celles qui m'intéressent, l'identité sociale importe bien moins que l'acte d'identification, que le processus finalement de reconnaissance, que rend possible une certaine maîtrise finalement des ressources rhétoriques urbaines. C'est précisément ces ressorts interprétatifs par lesquels fonctionne ce que Goffman appelait le porte-identité. Il considérait que les individus étaient des porte-identité. C'est l'ensemble de ces signes qui permettent d'associer un sujet croisé dans la rue une identité sociale qui me paraît être à interroger. Ces processus de désignation et non pas le résultat des étiquettes. Je ne souhaite pas redire, parce que je pense que vous êtes convaincus du fait que les apparences peuvent être trompeuses, et les apparences urbaines le sont tout autant que les autres, mais surtout combien elles sont complexes. Vous avez vu avec un exemple aussi simple que le jean, combien les choses sont complexes, en fait. Et les formes les plus triviales, par exemple les tenues vestimentaires, qu'on a très souvent tendance à aborder sous forme de code rigide, on parle de code vestimentaire d'ailleurs, permettent de découvrir des choses beaucoup plus fluctuantes, beaucoup plus floues, beaucoup plus instables. Et c'est une sémiotique de l'instable que j'essaie de mettre en œuvre dans mon travail, en essayant de rendre compte des processus à la fois de production des signes par les individus en marche, les piétons, mais de reconnaissance de ces signes, la circulation des signes qui passent d'un corps à l'autre. Et on ne peut pas réduire les questions d'identité à des questions de revendication identitaire ou de catégorisation identitaire. En fait, j'essaie d'aller au rebours d'une logique de décryptage. Il ne s'agit pas de décrypter les apparences. D'ailleurs, je ne vais jamais vous dire quelles sont les nouvelles tendances aujourd'hui à Paris ou où on trouve tel ou tel type de gens dans tel ou tel type de quartier, mais plutôt quelles sont les logiques à l'œuvre quand des gens racontent leur parcours urbain et qu'ils produisent nécessairement des catégories pour les raconter et que ces catégories s'accrochent à l'apparence du piéton. Alors, je vais prendre un seul exemple, parce que j'ai développé plusieurs types de cas et d'enquêtes dans ma thèse, c'est celui des désignations ethniques qui permet de saisir une des dimensions très fortes à Paris, qui est la dimension interculturelle ou multiculturelle dans une ville pareille. Et on a plusieurs types de moyens d'aborder ces désignations ethniques. Soit on entre dans un système codé soi-même en tant que chercheur, ce qui pose tout un tas de problèmes. C'est-à-dire qu'on produit un effet d'assignation identitaire qui interdit de réfléchir au processus de ces assignations. En quelque sorte, c'est ce que fait par exemple le journal Technica. Donc je prends un magazine, mais j'aurais pu prendre des travaux de recherche également, qui est intéressant parce que moi je travaillais sur le quartier des Halles, qui est un espace public intéressant pour Paris, puisque c'est quand même un espace de présentation de la banlieue à la capitale, c'est une porte intérieure dans la ville. C'est un lieu assez jeune en termes de classe d'âge, mais dans lequel se croisent des gens d'un peu partout. Et on a un travail assez intéressant, je ne sais pas si vous arrivez à lire les catégories, ça m'étonnerait fort. Je vais vous aider un peu. On a affaire à une représentation statique du quartier des Halles, une représentation cartographiée, assez fidèle. On reconnaît, en fait, quand on connaît le quartier, on reconnaît chacune des catégories proposées, mais précisément, alors par exemple, en haut à gauche, vous allez trouver les punks à chiens, pour vous faire entrer dans le... Donc, punks à chiens qui se trouvent devant l'église Saint-Eustache. Vous allez trouver vers l'église Étienne-Marcel, en rose au milieu, ce que dans Technicart, donc magazine de culture et de société, ils appellent les modeux, et ils donnent des définitions. Vous trouvez plus dans la zone du RER, et là c'est des clichés que peut-être tout le monde connaît, parce que c'est les clichés les plus médiatiques, vers la sortie du RER, en violet, les lascars, donc là c'est ceux des banlieues. Donc, vous voyez comment on a affaire là, dans ce type de représentation, à à la fois quelque chose de très statique, un point de vue qui est produit depuis l'extérieur, mais de manière ambiguë quand même, parce que le terme lascar, en fait, c'est un terme qui est utilisé par les jeunes eux-mêmes, plus que par des chercheurs de l'extérieur. Et je vais revenir sur cette ambiguïté du point de vue. Mais en tout cas, vous voyez quelle est la logique dans ce type de représentation. On a une représentation iconique très réussie, c'est-à-dire qu'on reconnaît très bien le quartier des Halles. Pour ceux qui le connaissent, je pense que certains le connaissent. On reconnaît effectivement ces structurations en bandes de jeunes dans le quartier, puisque c'est un lieu de surexhibition des signes vestimentaires. Donc effectivement, une observation attentive permet de repérer. Mais ce type de travail est tout à l'inverse de ce que j'essaie de proposer, puisqu'il ne rend pas compte précisément d'une chose qui vous intéresse tous ici, c'est de la marche précisément. On a l'impression que le quartier est statique et que les réguliers, ils sont réguliers effectivement, certains d'entre eux qui restent dans les lieux, empêche les autres de passer, ce qui est loin d'être le cas en fait. On passe à peu près partout, et d'ailleurs quand on observe ceux qui sont dénommés les lascars ici, on se rend compte qu'ils fréquentent aussi des gothiques qui sont eux représentés en noir un peu plus loin, qui eux-mêmes, quand on fait des observations tous les jours, arrivent un jour avec leur panoplie complète. On parle de panoplie vestimentaire, tous les signes distinctifs du mouvement gothique, mais d'autres jours beaucoup moins, et parfois pas habillés du tout parce qu'en fait ils ont autre chose à faire après et qu'il est hors de question pour eux de passer par là en portant toute la tenue. Donc on se rend compte qu'un espace comme ça, si on le saisit simplement avec les apparences vestimentaires, l'observation ne permet pas de faire tenir ce type de représentation, et pourtant ce type de représentation de la ville est extrêmement courant, commun. Donc c'était à rebours de ce type de travail que j'essayais de travailler moi-même. Et c'est vrai que face à l'établissement de catégories établies de l'extérieur, il est vraiment très intéressant d'essayer de voir comment... d'essayer d'éclater son point de vue, d'interroger les autres et d'avoir une approche multifocale. Ça permet de privilégier, dans l'analyse des espaces publics, des logiques de révélation ou de manifestation de frontières. Alors je reviens à mon idée d'ethnicité, de frontières ethniques, non pas parce que ces frontières existent sur le mode d'une territorialisation de l'espace, telle qu'elle est par exemple produite sur cette carte, mais telles qu'elles elles sont produites par les individus qui se racontent et qui décrivent les autres. J'inscris mon travail dans les perspectives des théories de l'ethnicité, telles qu'elles sont par exemple développées par Frédéric Barthes, donc non pas Roland Barthes, qui définit ainsi les groupes ethniques comme des catégories d'attribution et d'identification opérées par les acteurs eux-mêmes. Ne sont considérées comme des frontières que des coupures du type them and us, c'est-à-dire eux et nous, qui font sens pour les gens. Et vous vous rendez immédiatement compte que ces coupures ne vont pas être les mêmes en fonction des gens, et donc que ce sont des notions très, très abstraites et très tenues que ces frontières ethniques. À partir de ce cadre théorique, qui n'était pas celui que j'avais au départ, mais qui m'est venu de travail de terrain, je me rendais compte que les gens mobilisaient beaucoup les étiquettes ethniques dans leur manière de raconter leur rapport urbain, qu'ils mobilisaient une rhétorique de la liminalité, une rhétorique de la frontière, effectivement, pour reconstituer des scènes urbaines. Et c'est vrai qu'à Paris, une très grande partie des activités urbaines consiste à raconter ce qu'on a fait en ville, qui on a rencontré, qui on a vu. Donc ce régime du récit urbain est très important. Alors j'ai essayé de mener une enquête plus spécifiquement sur les étiquettes ethniques, et en particulier je me suis intéressée aux couples mixtes. C'était une manière dit mixte, c'est-à-dire a priori de l'extérieur venant d'horizons définissables comme ethniques différents, ce qui était une manière comme une autre d'entrer dans cette thématique, il y en avait bien d'autres. Alors les couples mixtes ils sont très nombreux à Paris, et ils révèlent bien le fonctionnement de l'ethnicité dans ces espaces publics. Leur seule présence indique l'état des relations interethniques dans Paris, qui constitue un territoire dans lequel les frontières sont assez faciles à franchir, les frontières toujours symboliques, mais ça ne suffit pas à les effacer. Et c'est ce qui est intéressant, du coup, vous allez voir, dans la logique telle qu'elle est, la logique du point de vue de l'individu, c'est que des frontières peuvent être visibles ou invisibles, s'effacer ou réapparaître, et qu'on ne peut les comprendre que si on les saisit de manière dynamique. Je prends le cas, je prendrai un seul de mes interviewés, le cas d'un jeune homme, je vais l'appeler Fabrice, qui lui vient de Cergy-Pontoise, donc en banlieue, dans 95. Et son témoignage, donc je vais citer un petit peu son témoignage pour déléguer la parole, puisque c'est ce que j'essaie de faire. Son témoignage n'est pas du tout un cas isolé dans mon enquête. Et lui, il commençait à me raconter, de toute façon, tu ne pourras pas, comme à chaque fois qu'on interroge quelqu'un, tu ne pourras pas regrouper ce que je vais dire avec beaucoup de gens, parce que ma culture préférentielle, justement, n'est pas forcément ma culture d'origine. Cette idée commune de la culture d'origine. Le problème, c'est que j'ai toujours été attirée par des femmes de couleur. Conquérir ces gens-là, ça a été pour moi me faire intégrer. Aller dans des endroits publics, donc on est dans cette logique d'espace public, de circulation en ville, aller dans des endroits publics avec une très belle femme renoir, donc désignation ethnique, vous comprenez tous noir à la place de renoir, quand il y a d'autres blacks qui sont là, comme au Forum des Halles, passer avec une très belle sénégalaise en étant blanc, ça génère beaucoup de regards qui disent « mais toi là, tu peux pas laisser nos sœurs tranquilles ». Ça m'est arrivé une fois qu'ils aillent vers la fille, je me suis déjà battue à Aubert, avec des gars qui ont jeté une canette de bière sur elle en disant « sale pute, tu sors avec un blanc ». On voit dans ce court texte un grand nombre de désignations qu'on peut qualifier d'ethniques. Et c'est vrai que Francis fait effectivement fonctionner une dichotomie du type noir-blanc, analysable en termes de rapport interethnique, au sens de Frédéric Barthes, découpe bien deux groupes. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont il se présente dans ce texte occulte une chose dont moi, j'étais tout à fait consciente puisque je l'avais en face de moi, c'est que lui, étant d'origine algérienne, il est plutôt perçu par quelqu'un qui se trouve en face de lui comme un basané, par exemple, plutôt que comme un blanc, alors qu'il se définit comme un blanc par rapport au noir, dans son discours. Donc vous voyez qu'on est dans un jeu comme ça, fluctuant de frontières. D'ailleurs, à d'autres moments dans son témoignage, il va se présenter comme un basané, c'est pour ça que j'utilise ce terme, c'est le terme qu'il utilisait lui-même. Et s'il a recours aux stéréotypes, en mêlant les considérations raciales et ethniques, c'est ce qui se trouve à l'œuvre dans les catégorisations noir-blanc, c'est qu'en fait, elles servent localement son témoignage de victime du racisme. Et c'est une des choses qui est très intéressante dans son témoignage, c'est qu'il va montrer comment il est victime d'une sorte de racisme à l'envers. Alors la délimitation et le repérage des marqueurs symboliques qui permettent de reconnaître les frontières ethniques est loin d'être simple. On se rend compte, quand on interroge les gens, que les sujets dessinent une pluralité de frontières autour d'eux, selon les enjeux identitaires qu'ils perçoivent. Ce n'était pas du tout pertinent pour Fabrice de se présenter immédiatement comme un basané par rapport à moi, donc on était ensemble des blancs par rapport aux noirs dans son discours. Et ce qui est très intéressant, c'est que les situations d'anonymat, justement, elles étendent les possibilités du jeu avec la liminalité, donc elles étendent les possibilités du jeu avec les frontières, et que la violence de l'assignation identitaire, et à l'inverse, les bonheurs de l'autoproclamation revendicatrice, s'imbriquent et parfois se superposent dans les espaces publics parisiens. Et la foule, par exemple, la foule piétonnière, peut rendre des drames possibles comme elle permet de les éviter, si les acteurs sociaux arrivent à la conquérir. Donc, je vous donne un autre exemple que je vais analyser avec vous, toujours décrit par le même Fabrice, qui désigne une scène de métro. Alors, je sors un peu du flux piétonnier pour asseoir les piétons dans le métro, mais dans cette perspective de continuité de la marche qui s'inscrit aussi dans les transports en commun. Il me raconte cette scène. Une daronne sénégalaise. Une daronne, ça veut dire mère. Sénégalaise, certainement, ou malienne. On se rend compte depuis le début que Fabrice est très précis, en fait. Il dit black, mais après il précise sénégalais ou malien, et que ses compétences en termes de désignation ethnique sont très précises, en fait. Donc, sénégalienne, certainement, ou malienne. Moi, je me demande comment il peut la reconnaître. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Comment, à quel type de signe extérieur, quel type d'expertise et de savoir est en jeu dans cette pratique de désignation. Lui, il continue, il me dit « Elle sortait du boulot, ça se voyait, elle avait l'air fatiguée. » On voit qu'on est dans cette analyse des signes portés par les corps. « Elle sortait du boulot, ça se voyait. » Elle était debout, il y avait pas mal de monde, et sur les strapontins, il y avait deux filles. À un moment, la daronne, toujours la mère, a eu l'impression qu'une des filles avait tapé son pied en bougeant. Elle s'est retournée, les a regardées comme ça, il mimait la scène, je ne vais pas vous le faire, mais et les deux filles, ça se voyait qu'elles étaient sénégalaises. Et moi, je n'ai jamais pu obtenir les informations qui lui permettaient de savoir tout ça, mais il y avait ces ressources interprétatives très fortes que je souhaitais mettre en avant. Donc, ces deux filles, ça se voyait qu'elles étaient sénégalaises, mais elles étaient très fashion. L'une avec une doudoune rose, il y avait un vrai décalage de génération. L'autre était en pagne, 50 ans, avec son imperméable noir, son sac, discrète, les cheveux attachés, un pagne et un boubou en dessous. On voit aussi la finesse de description de la scène par cette interviewée. L'autre, elle a commencé à leur parler en sénégalais et l'une des deux a répondu « On ne comprend pas ce que vous dites ». L'autre a été prise d'un fou rire. C'est-à-dire qu'il y a une des filles qui dit « On ne comprend pas ce que vous dites », l'autre commence à rigoler et la daronne a continué à parler dans la langue. Elle n'était pas conne, elle savait bien qu'elle comprenait les deux. Et l'autre n'arrêtait pas de rire et puis progressivement, plein de gens se sont mis à rire. Et d'ailleurs, quand Fabrice m'a raconté l'histoire, lui-même, il était mort de rire. Et il a fini par me faire rire aussi, donc par cette sorte de contamination urbaine qui se passe. Je termine cette analyse. Les deux jeunes filles, ce qu'on peut voir ici, c'est que les deux jeunes filles ont refusé une imposition communautaire. Et les sanctions auxquelles elles auraient donné lieu, c'est-à-dire « vous allez marcher sur mon pied », etc., etc. Et elles ont véritablement exploité le flou identitaire caractéristique de ce genre de situation. Et du coup, elles se fabriquent une communauté provisoire. Donc, elles dessinent des frontières différentes, constituées du public rieur, du public urbain. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en commentant plus précisément ce moment de métro parisien, Fabrice m'a complètement reconstitué l'échange verbal, alors que lui, s'il connaît bien les Sénégalais, il ne parle pas du tout leur langue. En conclusion, je ne vais pas jusqu'au bout de ce que j'avais prévu de vous dire. On peut déjà dire que selon leur propre expérience des relations interethniques, les acteurs savent voir, nommer des caractéristiques ethniques plus ou moins précises et pouvant même aller jusqu'à des précisions ethnographiques remarquables. Donc c'est le cas dans toutes les histoires de Fabrice quand il parle des blacks, je reprends son expression. En revanche, il est très conscient de l'importance des différences. En revanche, quand il parle des asiatiques, il utilise ce terme, conscient que c'est très peu satisfaisant, mais il ne va pas du tout prendre la peine de préciser vietnamien, chinois, d'origine vietnamienne, peu vietnamien français, alors qu'il fait vraiment ce type de distinction par ailleurs. Puisque je ne peux pas tout à fait terminer ce que j'avais prévu de vous dire, je conclue d'une manière générale en invitant à réfléchir à ce statut d'interprétation ordinaire et au type de flou dans les frontières qui s'établissent. J'invite surtout à prendre au sérieux le fait que les individus portent sur eux un ensemble de signes qui parfois peuvent être en contradiction les uns avec les autres, qui ne sont jamais univoques et que les gens eux-mêmes ne lisent pas de manière univoque selon les distances qui les séparent de ceux avec lesquels ils se trouvent mis en présence. Et qu'en fait, on a affaire à une véritable polyphonie des apparences qui invite à une approche polyphonique du point de vue sémiotique, une approche qui prenne en compte ces multiples voies dans lesquelles, par lesquelles s'expriment les identités. Le fait même qu'on ait si souvent recours aux stéréotypes, même quand on est conscient que ce sont des stéréotypes, c'est une des caractéristiques du stéréotype d'être utilisé pour être dénoncé, hein, c'est précisément l'indice de cette polyphonie. Le stéréotype étant, pour conclure, cette voix anonyme, cette énonciation, cette assertion sans sujet qui se glisse dans les voix singulières qui, elles, sont capables de faire jouer plusieurs dimensions, notamment de la distance au rôle et de faire jouer une pluralité d'interprétations. Je vous remercie.